tu passes. Comme ma faute, pas du tout. Alors, mademoiselle, dites à cette dame de se retirer. Allô, c'est toi? Oui, très bien. C'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui, oui. Non, c'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore payé. Les miennes, tu peux le faire prendre.